mercredi à Assemblage Requis. Simon Fidibé nous présente la suite de sa chronique sur Brian Wilson dans le cadre de Paul is Dead. Et les Incorrigibles nous parlent d'anatomie bovine dans leur chronique humoristique. Assemblage Requis, mercredi, 15h.